t'es bien. Tu m'entends? Ah, ah. Un, deux. Ouais, mais c'est ton micro qui est ouvert. Alors du coup, ça me fait un retour. Ah, d'accord. Ok. Ouais, je alors, en fait, j'ai, tu peux juste mettre un casque, juste que... Mais niveau volume, mon son, il est correct ou pas? En fait, moi je joue au casque, sinon... Il est bien, ouais, impeccable. En fait, c'est une idée. En fait, moi je joue au casque, sinon dans la télé ça m'a inspiré. Il est bien, ouais, impeccable. Ah ouais, je m'entends. Attends, je reviens. Je vais avoir trop de délai. J'entends tout ce que tu dis. Ah ouais, je m'entends.